regard et pour tout l'or m'en aller. C'est le blues, les coups de café, le chèque assuré. Déjà là avec la guitare, moi c'est fini, je rame à fond.